toutes et à tous, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net et c'est parti pour une nouvelle édition de l'émission Les bons plans solidaires qui vous est proposée par le groupe Solidaire Actif de l'association Arelia. La Dream Team ce mois-ci va comme toujours vous proposer des idées, des conseils, des infos, des bons tuyaux pratiques et surtout très économiques, voire gratuits. Alors, ce mois-ci, nos chroniqueurs et chroniqueuses seront Laetitia, notre spécialiste du tout faire soi-même, et pour quasiment rien, ce mois-ci, le grand nettoyage de printemps, pour pas cher et bon pour l'environnement. Vincent, notre spécialiste de la culture, qui va nous présenter l'interview de Cécile Lebert du centre culturel André Malraux à Vendeuvre-les-Nancy. Roger, lui, nous présentera un bon plan gratuit, original et fort utile à Nancy, je ne vous en dis pas plus. Quant à Alain, notre spécialiste du jardinage, il nous fera découvrir un bon plan en attendant la rentrée des jardiniers. Vous voyez, le programme ce mois-ci est encore bien chargé. Alors, on démarre tout de suite. Et on retrouve Alain. Bonjour Alain. Bonjour Lionel. Bonjour Radio Fadjet. Alors Alain, dis-moi, ce mois-ci, tu vas nous parler d'un bon plan de culture, je crois, en intérieur. C'est bien ça? Oui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on plante au mois d'avril? Les beaux jours arrivent. C'est le moment de profiter du soleil dans le potager. Rosiers, rhubarbe, radis, plantes fruitières. Voici ce que vous pouvez planter ou semer dans votre jardin, en prenant garde aux sainte-glaces. Mais n'oubliez pas les sainte-glaces entre le 11 et le 13 mai. Cette période est traditionnellement redoutée par ces gelées tardives. Pour planter vos palmettes fruitiers et arbres fruitiers, ayez le réflexe d'enlever le pot et de gratter la motte de terre. Remplissez le trou à moitié avec de la terre assez fine. Posez les racines à moitié et arrosez avec un demi-seau d'eau. Ensuite, continuez de remplir le trou avec de la terre. Enfin, de tasser un petit peu le pied pour l'arrosage. Arrosez l'arbre une fois par mois avec de l'eau tiède. Pour les rosiers, n'oubliez pas de tailler un tiers du rosier. Pour la plantation du rosier, coupez la moitié des racines. Mettez deux mottes de terre dans le trou, puis de l'eau. Faites un peu de boue. Y trempez les rosiers dedans, remettez la terre par-dessus et tassez bien. À bientôt, amusez-vous bien, les conseillers du jardinier. Eh bien merci Alain pour cette belle idée et on te retrouve le mois prochain pour un nouveau bon plan jardinage. À bientôt. Et c'est maintenant le moment de retrouver Laetitia, notre chroniqueuse du tout faire soi-même. Bonjour Laetitia. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Si j'ai bien compris, tu vas nous parler aujourd'hui du grand nettoyage de printemps. C'est ça, tout à fait Lionel. Alors, les beaux jours arrivent, nous avons envie de reprendre en main notre intérieur. Le grand nettoyage de printemps peut prendre plusieurs jours. Pensez à mettre votre famille à contribution. Par exemple, chaque enfant s'occupe de ranger sa chambre et de trier les jouets dont ils ne veulent plus. Et s'ils sont plus âgés, répartissez-vous les tâches pièce par pièce. Alors, ce que vous aurez besoin, le matériel indispensable, des gants en plastique, des sacs poubelles, des éponges, des serpillères et un bon aspirateur. Vous pouvez aussi vous équiper en chiffon, balai, microfibre pour faire des économies. Les produits de base, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le citron et le savon noir. Pensez à aérer toute la maison après avoir fait le tri. Mettez les tapis dehors et aérez toute la maison pendant au moins une journée. Prenez soin de dégager tous les paillassons en n'hésitant pas à les taper à la fenêtre ou au balcon. Le grand nettoyage commence. Maintenant que vous avez tout préparé, il est temps de passer au nettoyage en lui-même. Et une petite astuce, pour vous motiver, vous pouvez écouter la musique, mettez vos chansons préférées et c'est parfait. Et voilà, bon nettoyage à tous. Eh bien merci Laetitia, on n'a plus qu'à retrousser les manches, sentir l'huile de coude et c'est parti. On te retrouve le mois prochain pour un nouveau beau conseil. Oui, tout à fait. Alors à bientôt. À bientôt, au revoir à tous. Et il est temps maintenant de faire notre première pause musicale. Nous sommes en avril, alors écoutons Laurent Voulzy et sa célèbre chanson La fille d'avril. On l'écoute et on se retrouve juste après. Fille difficile, elle ne veut pas. leurs habits. Au coin du feu, elles se prélassent. Février, mars, voici le joli mois de mai. Les manteaux, on les met jamais. Elles ne gardent presque rien. Fadjet 94.2 ou Fadjet.net, c'est l'émission Les bons plans solidaires qui vous donne de bons conseils et astuces solidaires et toujours pour un coût le moins cher possible. Et c'est à l'ami Vincent maintenant de prendre place. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel, bonjour à tous chers auditeurs. Alors dis-moi, toi le spécialiste de la musique et de la culture en général, tu vas nous parler d'une institution culturelle sur Nancy et à Vendeuvre les Nancy en particulier, avec une nouvelle interview à la clé. Allez, c'est à toi. Oui, donc le CCAM, c'est-à-dire le Centre Culturel André Malraux, est un établissement culturel dédié au langage et aux pratiques artistiques d'aujourd'hui. Depuis deux décennies, le label Scène Nationale lui a été attribué par le ministère de la Culture. J'ai pu interviewer Cécile Lebert, qui est chargée des relations avec le public. Voici l'interview. Bonjour, je suis avec Cécile Lebert du Centre culturel André Malraux, qui est chargée des relations avec les publics. Bonjour Cécile, est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement qu'est-ce que le Centre André Malraux ? Le Centre culturel André Malraux, c'est un lieu culturel situé à Vendeuvre-les-Nancy. C'est un lieu de concerts, de théâtre, de musique contemporaine. C'est aussi un lieu d'exposition. C'est un lieu public dans lequel on accueille toutes et tous, en temps normal, pour des expositions et des concerts et des pièces de théâtre, tout un tas de choses culturelles, des ateliers, etc. Malgré la pandémie, arrivez-vous quand même à monter des projets pour garder le contact avec votre public ? Alors ça, c'est un effort de tous les jours. On se creuse la tête, les équipes, nous sommes 15 dans l'équipe, on se creuse la tête tous les jours pour essayer de trouver des choses à proposer, étant donné qu'on ne peut accueillir personne en nos murs. Donc c'est parti d'ateliers où on proposait à des artistes de se rendre dans les lieux où il était encore possible de se réunir pour les associations qui pouvaient encore se réunir ou les écoles. Après, on a un petit peu essayé de sortir de ça. On a essayé de proposer des ateliers aussi en numérique pour les associations qui n'avaient pas la possibilité d'accueillir du public. Mais là, on s'est heurté un petit peu à un mur parce qu'effectivement, l'accès au numérique n'est pas facile pour tous. On essaye de proposer donc des ateliers, on essaye de proposer des spectacles dans les écoles. Là encore, la semaine prochaine, on a un spectacle qui s'appelle Wynac qui jouera dans plusieurs collèges dans Vendeuvre. On a proposé des concerts au balcon. Donc là, on a un musicien italo-franco-argentin qui est venu au bas de 32 balcons de Vendeuvre, proposer des mini-concerts de 10 minutes pour essayer effectivement de proposer la culture là où nous, on ne pouvait plus accueillir. Et puis après, voilà, on essaye de monter tout projet dans lequel des participants soient très impliqués, sachant qu'effectivement, rien ne peut se passer en nos murs et tout doit se passer à l'extérieur. Quel est votre rôle et la raison pour laquelle vous travaillez en partenariat avec une action, par exemple, comme le GSA ? Alors ça, c'est assez simple. J'ai été recrutée pour ça. Alors, pas pour travailler spécifiquement avec le GSA, mais presque. En fait, le nouveau directeur, Olivier Perry, qui est arrivé il y a 3 ans, il a souhaité que le centre culturel André Malraux, qu'on appelle aussi CCAM pour plus de facilité, il puisse accueillir tout le monde, mais vraiment tout le monde, des plus petits aux plus grands, de toute origine, de toute diversité culturelle, ethnique, peu importe. Et du coup, il a souhaité que quelqu'un s'empare de cette mission-là. Alors, juste une personne sur une équipe de 15 personnes, c'est pas grand-chose, mais quand même, je suis employée pour ça à temps plein. Je suis employée pour aller à la rencontre de toutes et tous et leur donner envie de venir en nos murs, ou au moins de se confronter avec l'art. Et du coup, moi, je préfère aller chercher les personnes pour qui c'est peut-être le moins évident. Donc, je vais peut-être au GSA en me disant que les personnes qui s'y trouvent auront peut-être plus envie ou plus besoin ou seront peut-être plus curieux. Et après, je vais vers d'autres associations plus ou moins sociales, parfois médicales, mais parfois aussi des comités d'entreprise ou des gens voilà, regroupés dans différentes institutions. Mais voilà, moi, j'avais une vraie envie d'aller vers le groupe Solidaire Actif puisque voilà, la solidarité, c'était quelque chose qui me parle énormément et que voilà, j'avais envie de rencontrer ces personnes qui œuvraient en ce sens. Avec le GSA et d'autres associations, vous lancez le projet Mode d'emploi. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, bien sûr. Alors ça, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Ça va sortir d'ici quelques jours. Ça vient du fait qu'effectivement, on tente toujours de rester en contact avec tout le monde et même les plus isolés. On s'est rendu compte qu'on proposait des ateliers, mais qu'il y avait très peu de personnes qui en profitaient. Alors, on ne sait pas trop pour quelles raisons, mais on se doute que voilà, le fait qu'elles ne puissent pas se réunir dans leurs propres associations ou qu'elles n'aient pas forcément accès au numérique, ça joue beaucoup pour ça. Donc, on s'est mis à imaginer un projet dans lequel les gens n'auraient plus besoin de sortir de chez eux, pourraient rester chez eux et profiter quand même de nos artistes et des œuvres qu'ils proposent. Alors là, en fait, on va proposer à toute personne qui le souhaitera, du Grand Nancy principalement, de soit nous envoyer un courrier en se présentant en quelques mots, soit en demandant à son association de nous joindre directement au CCAM. Et en échange de ce petit courrier, on enverra un petit kit un petit peu magique. Dans ce kit, il va y avoir une présentation du CCAM, il va y avoir un courrier de notre équipe qui explique que voilà, on est un petit peu confinés nous aussi, mais qu'on a envie d'aller à la rencontre des gens et qu'on le fait par voie postale. Et puis, il y aura aussi et surtout une présentation d'un artiste avec lequel on travaille au CCAM et un mode d'emploi pour la création d'une œuvre amateur. Alors ça pourra être créer une histoire, ça pourrait être fabriquer un dessin ou un petit cadre avec un papillon qui vole, ou enfin plein de choses en fait. Les artistes, ils ont inventé plein de choses pour que vous puissiez chez vous créer une œuvre amateur et du coup rencontrer ou du moins vous confronter à l'univers d'un artiste avec lequel on travaille habituellement. Voilà, donc ça c'est tout nouveau, c'est gratuit, c'est ouvert à tous et on espère qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront en profiter et recevoir ces petits kits précieux, personnels chez eux, voilà, pour construire seul ou en famille, parce que ça s'adresse à toutes et à tous vraiment des petites œuvres amateurs. Merci beaucoup en tout cas pour l'interview. Eh bien merci Vincent pour cette super chronique, encore une belle expérience d'interview, et on se retrouve le mois prochain avec une nouvelle chronique et une nouvelle interview. À bientôt. À bientôt. Et on fait notre deuxième pause musicale dans les bons plans solidaires avec un album beau et surprenant qui sortira au mois de mai, celui de Gérard Lanvin, oui, l'acteur de cinéma. 10 chansons qu'il a composées avec son fils Manu, bien connu dans le monde musical. En attendant leur sortie de l'album, le premier titre s'appelle « L'appel à l'aide », une chanson d'un homme sur les violences faites aux femmes. On l'écoute et on se retrouve juste après. Ils ont mis du temps pour arriver, pour tenter en vain de la sauver. Un appel à l'aide, un appel manqué, elle ne s'en est jamais relevée. Passer son temps à se demander dans quel état il va rentrer. Isolé de tous, sans rien oser, et vivre caché sans être aidé. Personne n'a voulu écouter les cris, les coups, une vie dévastée. Que c'est dur d'aimer jusqu'à en crever. Une envie d'hurler, de tout raconter, pour que ce malheur puisse s'arrêter. Pour que la sentence soit prononcée et qu'une peine méritée soit purgée. Envie de partir, impossible de fuir. Plainte déposée, souvent ignorée. Rapport détaillé, dur à encaisser. Rue teintée de violet pour se rallier. Personne n'a voulu écouter les cris, les coups, une vie dévastée. Que c'est dur d'aimer jusqu'à en crever. Sur Fadjet 94.2 dans les bons plans solidaires, et la fin de l'émission approche, mais pas avant de retrouver avec grand plaisir notre chroniqueur Roger. Salut Roger. Salut Lionel, bien le bonjour à tous. Alors toi, dans notre nouvelle rubrique Nancy 100% gratuit, tu vas nous proposer une chronique tout en humour, mais ô combien utile et même essentielle. Tu as tout à fait raison de souligner l'essentiel, Lionel. Alors comme tout à chacun en ville à Nancy, par exemple pour les courses, en promenade, vous ressentez une envie pressante. Alors en ce moment de pandémie, où les bars, les restaurants sont fermés, il nous reste une solution, les WC publics. Mis à la disposition des badauds, on en compte une quinzaine ouverts et gratuits 6 jours sur 7, par exemple, rue Maurice Barrès, place Carnot, à la Pépinière, le marché central, la République et bien d'autres. Alors sachez que le constat de cette mesure est globalement satisfaisant par le nombre. C'est une enquête des plus sérieuses, car Nancy est une ville touristique et l'équipement en toilettes gratuites est important, en ces temps où il faut s'adapter. Alors dans l'urgence, il existe, sachez-le, une application pour connaître les emplacements et lieux de ce service gratuit. Vous allez sur la toile, vous tapez www.nancy.fr, rubrique toilette publique. À noter qu'il reste à ce jour deux endroits payants à la gare et où les dames pipi sont toujours bien présentes pour vous demander, bien évidemment, la petite pièce. Voilà, après ces conseils de bons plans gratuits, je ne peux que vous souhaiter bonne balade dans notre belle ville de Nancy. Merci Roger, voilà une chronique originale et que tout le monde retiendra, ça j'en suis persuadé. On te retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique sur Nancy 100% gratuit, mais je crois aussi qu'on a une interview en préparation. Normalement, oui, on a eu une interview en préparation, mais on ne dit rien. Voilà, allez, c'est une surprise. Hein. Merci Roger, et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Et voilà, après cette belle chronique, nous arrivons presque au terme de cette émission avec la dernière petite rubrique qui est celle des anniversaires de vos vedettes préférées. Tout d'abord, Jean-Paul Belmondo qui fêtera ses 78 ans le 9, Guillaume Canet qui lui fêtera ses 48 ans le 10, mais aussi Michel Blanc qui fêtera ses 69 ans le 12, Laurent Baffy qui lui aura 63 ans le 18, Gad Elmaleh qui fêtera ses 50 ans le 19, Michel Leeb qui aura 74 ans le 23 avril, Jean-Paul Gaultier aura 69 ans le 24 et Didier Gustin, notre imitateur vosgien, lui fêtera ses 55 ans le 26. Et n'y oublions pas, celle qui est née le 7 avril et qui fêtera ses 55 ans, c'est bien entendu la célèbre Schtroumpfette. Allez, on leur souhaite à tous un très joyeux anniversaire. Voilà, cette fois-ci, c'est la fin des bons plans solidaires. Nous remercions Alain, merci à Laetitia, merci à Vincent, merci à Roger et Yves à la technique. Vous avez fait du bon boulot. Dans quelques instants, il sera l'heure de retrouver toute l'équipe du 13 en forme sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net pour les news et le mag. Vous pouvez retrouver notre émission podcast dès cet après-midi sur Fadjet.net et nous envoyer vos bons plans par mail sur gsa@arelia-asso.fr. Nous, on se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit, pour de nouveaux bons plans solidaires. D'ici là, toute l'équipe vous souhaite une belle journée sur Fadjet 94.2 et surtout, prenez soin de vous et des autres. A très bientôt, ciao, bye bye.